89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. C'est fou. Le jeudi 19h, écoutez Très Blues Assez Fou. Nous présentons le blues de ses origines au blues d'aujourd'hui. La chronique de Paul Deslauriers, des biographies de Steven Hubert et des prestations en direct. Très Blues Assez Fou sur C'est Fou 89.1 FM. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Lundi, les délirantes vous présentent une émission variée qui passe de faits divers à la présentation de personnes inspirantes. Soyez des nôtres. Les délirantes, lundi à 13h à C'est Fou 89.1 FM. Vous êtes assez fous. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Je ne souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation. En ce 8 décembre de l'an de disgrâce 2015, je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. En ouverture d'émission, nous avons eu quelques bons vieux classiques du trash metal qui étaient constitués de ce qui suit à l'instant avant cette pause publicitaire, cette charmante pause publicitaire, dois-je le dire. Nous avons eu la formation américaine Possessed et la pièce The Exorcist, pièce d'ouverture de cet album mémorable Seven Churches, qui est paru en 1985 sur Combat Records. Creator et la pièce Command of the Blade, qui, je dois le dire, jusqu'à ce jour, est encore une de mes pièces préférées de Creator, et bien entendu Pleasure to Kill, dont elle est tirée, et mon album encore préféré de cette formation allemande, paru en 1986 sur Noise. Nous avions Celtic Frost et la très bonne Fainted Eyes, que l'on retrouve sur le non moins très bon album To Megatherion, qui est paru effectivement en 1985 sur Noise Recording également. Metallica et la pièce Phantom Lord. Vous m'avez entendu, pour certains d'entre vous qui me suivent depuis le début, c'est-à-dire depuis 15 ans, ou ceux d'entre vous qui se sont joints à réanimation dans les derniers mois ou les dernières années, vous savez que j'ai un sacro-saint... Comment pourrais-je dire... Irritation, j'ai une sacro-sainte irritation envers Metallica. Malgré le fait que, je l'avoue candidement, l'album Kill 'Em All est un excellent album qui est paru en 1983 et qui aura brisé les standards du métal de cette époque, bien entendu, la pièce étant Phantom Ward. Et on a ouvert avec une formation suisse qui porte le nom de Coroner et qui porte toujours maintenant, en fait, ils sont revenus ensemble, en fait, pour des prestations. La pièce est en Silent Fall, qu'on retrouve sur Punishment for Decadence, qui est paru en 1988, sur Noise également. Et je dois dire que j'ai une forte tendance à dire que Punishment for Decadence est probablement mon album préféré de Coroner. Bon, ils en ont pas des masses, là, mais quand même. Ce soir, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, et comme c'est annoncé sur le site de réanimation AD.com, plug, C'est un spécial testament ce soir, parce que si certains d'entre vous n'étiez pas avec nous, oui, parce que je me suis ennobli, maintenant je me vous vois. Non, c'était avec nous, assez fou, pour réanimation depuis les dernières semaines. Eh bien, ce sera la même chose jusqu'à la dernière semaine prochaine. Ce ne sont que des spéciaux. Oui, spéciaux, ben, en fait, entrecoupés d'autres choses, là. Mais chaque semaine, je me concentre sur une ou deux formations dont je fais un traitement spécial, voilà, pour vous présenter quelques extraits intéressants de leur discographie. Ce soir, comme je l'ai dit, c'est Testament qui est à l'honneur et c'est un spécial qui est consacré uniquement à eux. Formation qui vient des États-Unis, bien entendu, mais de Oakland, en Californie, et qui est actif sous le nom de Testament depuis 1986. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que entre 83 et 86, il s'appelait Legacy. En fait, d'ailleurs, le premier album de Testament paru en 87 porte le nom de The Legacy. Et chose intéressante aussi, entre cette période, en allant jusqu'à 86, soit de 85 à 86, le chanteur de Testament, devenu Testament, était nul autre que Steve Zetro Souza, mieux connu pour être l'ancien chanteur et nouveau chanteur de la formation Exodus. Testament ont à leur actif jusqu'à présent 11 albums studio complets. Je fais abstraction, bien entendu, de tout ce qui pourrait être sorti, spectacle, ce qui pourrait être single, split, ainsi de suite, EP. 11 albums complets. Est-ce qu'on peut les qualifier de productifs? Ben, oui, d'une certaine façon. On s'entend que c'est à raison de souvent un album par deux, des fois cinq ans, des fois plus que ça, mais c'est dans une certaine moyenne. Vous avez une pause aussi à un certain moment donné, faut bien le dire. Testament, c'est une formation qui est emblématique au niveau du thrash metal, bien entendu, puisqu'ils font partie des, doit-on dire, oui, des pionniers de la mi- et seconde partie des années 80 dans ce mouvement qui était très instigé par le mouvement américain, bien entendu. Aujourd'hui, ben, ça s'est étendu outre-mer. On le sait, très bonne formation de thrash metal qui viennent d'Europe, mais le mouvement est typiquement américain et a apporté une certaine, je dirais, saveur au métal, ce qui aujourd'hui, je suis obligé d'avouer, est une chose du passé. Parce que maintenant, le thrash metal est très, bah, du moins à 95, voire 97%, est très redondant. On essaie de rémuler des choses qui ont été faites, et malheureusement, elles ont été faites, donc elles n'ont plus vraiment la saveur d'antan. En fait, sauce d'aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire que je vous proposerai un premier bloc de Testament qui est composé du premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième album, respectivement The Legacy, The New Order, Practice What You Preach, Souls of Black, pardon, Souls of Black et The Ritual qui est paru tant que lui en 92. Vous allez entendre de façon, je dirais, chronologique, The Haunting, Here is Inhabitant, Greenhouse Effect, Falling Fast et Deadline. Sans plus attendre, voici ce premier bloc spécial Testament for your ears. Oh, 89.1. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 17h. Vendredi le 11 décembre, 21h30 au Zénob. Le groupe de Québec Arfan sort de son local le temps d'une soirée pour venir nous présenter les pièces de son premier EP et de son plus récent Flood. Le quintet électronique anglo Men I Trust sera aussi de la soirée. Plongé dans l'univers onirique de Arfan et l'électro-baroque de Men I Trust, deux groupes à découvrir et à ne pas manquer ce vendredi 11 décembre au Zénob. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait, assez fait. 89. Vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM, et ce, jusqu'à 21h. Vous venez d'entendre la première partie de ce spécial Testament qui était constitué ou déconstitué, selon le cas, si vous avez, ça vous a plu ou non. Avec la très belle pièce Deadline. Je dis très belle pièce parce que c'est une... faut pas se le cacher, c'est une pièce qui a tendance à être un petit peu plus slow beat. Mais quand même, on tombe pas dans la caténerie, dans la romance, n'est-ce pas? Une très belle pièce Deadline qui est tirée de l'album de Ritual. Cinquième album de la formation Testament, paru en 1992, sous étiquette Atlantic. En fait, la première séquence, je dirais pratiquement un peu plus de la moitié de leur discographie sur Atlantic. Nous avions juste avant Falling Fast, qui est tiré de Souls of Black, qui, tant qu'à lui, est le quatrième, paru en 1990. Greenhouse Effect, paru en 1989, et c'était l'album Practice What You Preach, qui était le troisième. Eerie's Inhabitants, qui est la pièce d'ouverture du deuxième album de New Order, qui est paru en 1988. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, après avoir changé de nom pour Testament, il s'appelait Legacy, et ils ont appelé leur premier album de Legacy en 87, et c'était la pièce The Haunting. Évidemment, ce qu'il faut savoir avec Testament, c'est que malgré le fait qu'ils sont un des éléments importants de la scène thrash metal, ce ne sont jamais devenus des Slayer, des encore moins des Metallica. Ben là, en fait, Metallica font plus de thrash metal maintenant, là, font de la musique pour enfants. Mais à leur époque, ils faisaient du thrash Metallica, faut bien le dire. Mais ils ne sont jamais aussi devenus aussi importants que des formations, comme je viens de le dire, entre autres Slayer. Par contre, formation importante tout de même sur cette scène. Et j'ai eu l'occasion de les voir qu'une seule fois en spectacle. Et c'était correct, je dois dire. C'est pas le spectacle qui m'a le plus marqué. Chuck Billy est un petit peu clown sur scène à faire du air guitar avec son segment pied de micro. J'ai trouvé que c'était un petit peu drôle, là. Surtout qu'il n'y a plus l'allure qu'il avait à l'époque non plus, mais c'était correct comme spectacle. J'avais eu l'occasion de les voir alors que c'était Gene Oglund qui était à la batterie, et c'était pas mal bien là, à ce niveau-là. Mais il reste que en studio, ils ont fait de très bonnes choses, et encore aujourd'hui, je dois dire que selon moi, la deuxième partie de Testament, si on veut deuxième partie de discographie, est encore supérieure à la première, qui était déjà quand même pas mal bien. Je vous propose d'aller explorer dans quelques instants la deuxième partie de ce spécial Testament. Mais avant, la semaine dernière, je n'avais pas de chronique cinéma parce que je vous l'ai expliqué, je n'avais pas écouté de choses nouvelles, je n'avais pas continué quoi que ce soit. Je m'étais tapé un marathon de Star Wars, étant donné pour être fin prêt pour la venue du nouvel album, ce que je raconte là, du nouveau film qui sortira en salle le 18, c'est-à-dire pas ce vendredi, mais l'autre. Par contre, depuis l'édition de réanimation la semaine dernière, j'ai écouté quelques autres trucs. Peut-être un film qui serait intéressant à surveiller, qui sera en salle ce vendredi, soit le 11 décembre, c'est Art of the Sea, qui se veut une espèce de d'adaptation ou de remake, si vous voulez, entre guillemets, de Moby Dick. Donc, je suis allé voir les previews de ce film et ça m'a l'air fort intéressant et très spectaculaire. Donc, Art of the Sea, c'est en salle à compter de ce vendredi 11 décembre. Un film qui est en salle présentement, que je n'ai évidemment pas vu, là, mais qui semble être un film au niveau, je dirais, un film d'horreur fantastique, tendance comédie, de l'ambiance des fêtes, c'est Krampus, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui décide d'ignorer les traditions, l'approche de Noël, de ne pas vouloir réveillonner, et ainsi de suite. Et cela fâche énormément le démon ancestral Krampus, qui lui est un démon typiquement traditionnel et qui se fait un devoir de conserver ses traditions et au-delà de punir ceux qui ne le font pas. Donc, est-ce que ce sera bon? Je n'en ai aucune idée, mais c'est en salle présentement. Ce que j'ai écouté dernièrement sont principalement aux deux tiers des comédies. Dont une que j'ai trouvée, ma foi, assez drôle. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui se rappellent de l'acteur Chevy Chase, qui est toujours en vie, mais qui est un petit peu plus vieux qu'avant, qui a fait une série de films sur National Lampoon's Vacation. Il y avait European Vacation, Christmas Vacation, bien sûr, c'est connu de tous par le sapin à des boules. Vacances Vacation, et je crois qu'il y en a quatre, qui racontent l'histoire de la famille Griswold et de leurs expéditions et périples en temps de vacances. Eh bien, le film dont je vous parle s'appelle tout simplement Vacation, et ils mettent en vedette Ed Helms, Christina Applegate et Skyler Gisondo, et à la fin, on voit Beverly D'Angelo et Chevy Chase. Bref, ça raconte l'histoire de Rusty, qui est le fils de Griswold, qui aujourd'hui est un pilote des lignes, qui a sa famille, ses deux enfants, et décide de refaire la fameuse vacance expédition qui avait été faite avec sa famille à l'époque, d'aller à Wally World. Ben, c'est très drôle. Je dois le dire, c'est très drôle. Je me suis dit, est-ce que ça va être une pastiche mal foutue? Parce que les originaux avaient quand même leur charme à l'époque. Est-ce que ça va être un peu maladroit? Non, c'est très drôle. Et je dois dire que je me suis bien bidonné. Donc, Vacation, c'est disponible en Blu-ray et DVD, probablement en format digital aussi. Moi, je vous le recommande, si vous voulez passer un bon temps, surtout dans le temps des fêtes, là, vous voulez rigoler un peu puis vous dérider là, des semaines difficiles avant cette période-là, ben, c'est un film qui risque de vous faire rigoler. L'autre film que j'ai écouté est encore une comédie qui met cette fois-ci en vedette Adam Sandler, Michelle Monaghan et Kevin James, et qui est le film Pixel. J'avais vraiment pas d'attente, voire même des appréhensions avant ce film-là, mais je me suis dit, je vais l'écouter. Et finalement, j'ai bien ri. J'ai bien ri. C'est sûr que tous les films avec Adam Sandler, il y a toujours une petite partie qui devient une petite partie sentimentale ou un peu, je dirais, moralisatrice. Mais si on passe par-dessus ça, il y a quelques bouts qui sont, ma foi, généralement, dans les films de Sandler, c'est pas tout le monde qui l'aime, là, mais des bouts qui sont assez rigolos. Et Pixel raconte l'histoire d'un jeune garçon qui, dans les débuts des années 80, est un fanatique d'arcade vidéo et devient champion vidéo dans sa communauté et se présente à un championnat national de vidéo, dont l'ultime grand prix sera de pouvoir envoyer son propre message dans une capsule dans l'espace avec des jeux vidéo, et ainsi de suite, pour être capable de dire, dans le cas où il y aurait des vies extraterrestres, de communiquer avec eux et de dire « Voici ce que nous aimons faire sur la Terre, donc bienvenue. » Et ça se ramasse, effectivement, et c'est capté par une forme de vie extraterrestre, qui sont eux-mêmes des jeux vidéo et qui l'interprètent comme une déclaration de guerre. C'est assez drôle. C'est un bon moment de cinéma. C'est très divertissant. C'est bien fait aussi. Et je dois dire qu'il y a quelques bons gags. Surtout, dès le début, ça part assez bien. Donc, Pixel, ça peut être un film intéressant pour vous aussi au niveau des comédies. Film d'horreur que j'ai écouté, que j'ai découvert et qui m'a d'emblée un peu paru peut-être boboche. Il s'agit de Wicked Within, qui est un film de Jay Alamo, qui est avec des acteurs italiens que je ne connaissais pas du tout, et qui raconte l'histoire d'une famille qui se réunit chez un membre, chez une des sœurs, un membre de la famille, et plusieurs secrets vont sortir jusqu'à ce que ils décident de commémorer la disparition, la mort de d'une petite fille de 3 ans qui était la fille d'une des membres de la famille. Ils sont bien en peine et certains secrets se dévoileront par l'entremise d'une séance de spiritisme pour essayer de communiquer avec cette petite fille. Jusque-là, ça fait un peu boboche, ça fait un peu stéréotypé, mais c'est quand même assez intéressant parce que le film est un peu lent à démarrer. Je dirais une bonne 20-25 minutes, mais quand ça part, c'est un bon film de possession. Donc, si vous êtes amateur de Lord Belial, le Seigneur des Mouches, eh bien, je vous invite à aller voir The Wicked Within. La semaine prochaine, je vais vous parler d'un film qui me paraît être fort mauvais, mais tout de même, il s'agit d'un film qui met en vedette... je ne les connais pas du tout. C'est un film d'horreur qui porte le titre de Finders Keepers et qui raconte l'histoire d'une poupée maléfique qui dit que les enfants ne devraient pas jouer avec les choses mortes. C'est à suivre. Bref, ceci étant dit, je vous invite à aller découvrir le deuxième segment, deuxième partie de ce spécial Testament, dont les pièces seront tirées des albums respectivement Low, qui est le 6e, Demonic, le 7e, The Gathering, le 8e, The Formation of Damnation, le 10e, et Dark Roots of Earth, qui est le 11e paru en 2012. On va entendre Legends, Demonic Refusal, Do Not Resuscitate, DNR, voilà. Taboo. The Evil Has Landed, A True American Hate, Testament Part 2, go.

Retrouvez les pièces les plus jouées de la semaine, les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique et quelques chansons qui ont marqué l'histoire dans C'était fou. Pour savoir ce qui se passe dans le monde de la musique alternative, c'est les Palmarès C'est fou, les mardis de 15h à 18h sur C'est fou 89.1. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à la classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Vous êtes assez fait, assez fait. Effectivement, vous êtes assez fou, merci. Et qui plus est, à réanimation, The Undead Incorporated Show pour encore presque 20 minutes, ou ouais, pas loin, 19 peut-être. On vient d'entendre la deuxième partie de ce spécial Testament qui était constitué de ceci, True American Hate, qui est tiré de Dark Roots of Hearth, qui est le 11e album studio complet de la formation, paru en 2012 sur Nuclear Blast. C'est le dernier en ligne, bien entendu. Nous avions The Evil As Land, qui est tiré de Formation of Damnation, qui est la 10e parution parue en 2008, sur Nuclear Blast également. DNR, Do Not Resuscitate, qui est la pièce d'ouverture de Gathering, qui est parue en 99 sur Spitfire. C'était le 8e album. Oups, 8, 10, oui, j'ai laissé tomber First Strike, Still Deadly. C'est un album que je trouve plus moyen. Nous avions juste auparavant la pièce Demonic Refusal qui est tirée de l'album Demonic, qui est le 7e album paru en 97 sur Music for Nation. Et la première tune de cette deuxième partie Special Testament était Legends in Hiding, qui est tirée de l'album Low, qui est paru en 1994. C'était le 6e sous étiquette Atlantique. Musicalement parlant, au niveau de certains nouveaux trucs, la semaine prochaine, ben en fait, oui, c'est vrai, je dois vous dire que la semaine prochaine, les spéciaux, parce que oui, je vais récidiver avec plus qu'un, ce sera deux, se porteront sur la formation légendaire canadienne Voivode et une autre légende du métal Slayer. Et je vous présenterai aussi une pièce, ou peut-être deux, dépendant du temps qui me sera alloué, de la formation canadienne qui donne dans un technical dead groove metal qui porte le nom de Gomorrah, tiré du prochain album à venir de Aruspex, qui paraîtra le 25 janvier prochain, soit en 2016, effectivement. C'est assez bon. Pourquoi je peux vous les présenter maintenant, c'est que j'ai eu la permission de le faire par la distribution, bien entendu. Et nous explorerons possiblement aussi la nouvelle parution de la formation Sect, qui donne dans un métal progressif formation britannique, et quelques ou une pièce pour le moins du EP Opacities. Donc, ce sera peut-être intéressant, mais... Pour Sect, je n'en ai aucune idée encore. Donc, ce sera une découverte probablement que je ferai en même temps que vous. Je vous incite et je vous invite, bien sûr, à être de Rock Classique ce vendredi dès 11h, ici même à C'est fou, avec le Rockmaster Alain Lefebvre, pour, si je ne m'abuse, la première partie de sa rétrospective 2015. Bien entendu, rétrospective à laquelle je ne pourrai me joindre puisque je ne serai de retour à Rock Classic que le 8 janvier prochain. 2016, bien entendu. Je crois que c'est ça, le 8 janvier. Mais, pour les vrais amateurs de vrai rock, c'est Rock Classic. Ben, c'est tout un slogan, ça. Ben, je l'ai même pas inventé. Bon, OK. Autre chose que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le site de réanimation AD.com dans la section spéciale. Ben, vous allez voir quels sont les deux groupes invités, entre guillemets, à réanimation la semaine prochaine. Mais dans le bas, vous avez les capsules du Elborg, The Tower of Death. Et je vous incite à aller écouter deux capsules qu'il a fait à son émission Subversion, ce qui concerne le spécial World War III, qui avait, ma foi, 30 ans, si je ne m'abuse, il y a quelques semaines, et aussi la fin d'un chapitre de Brave Concert International qui se terminait en novembre dernier avec, entre autres, Cataclysm. Donc, deux capsules fort intéressantes et je dois dire que c'est cool ce qu'il fait, Tower. Donc, Subversion de Tower, bien entendu, ça pourrait être intéressant. Puis, vous pouvez aller écouter ces trucs sur hurlemort.com aussi, avec mon ancien larron en foire sinistrose, qui peut-être un jour reviendra-t-il, sait-on jamais. Ceci étant dit, je vous ai parlé, oui, je vous en ai parlé de la musique, ben oui, effectivement. Je vous incite aussi à rester les nôtres des 21h à Cifou 89.1 FM pour la suite de ces mardis métaux. Métal, bien sûr, avec matière noire. Bon, en fait, on va se diriger tranquillement pas vite vers la fin avec deux pièces, certainement. Une étant tirée de la formation Hail of Bullets, qui porte le titre de General Winter. Mais tout de suite, allons-y avec Bloodbath, l'épisode de Mike Akerfeld, et la pièce 8 Rising, qui est tirée de Fathomless Mastery. Go! Okay. of Bullets. Et la pièce General Winter s'est tirée de Of Frost and War, qui est paru en 2008 sur Metal Blade. C'est, pour moi, c'est toujours, toujours, toujours aussi bon, Hail of Bullets, c'est vrai. Évidemment, mais il faut savoir que Martin Van Dronen n'est plus le chanteur de Hail of Bullets. Présentement, selon le line-up affiché, ils n'en ont pas d'autres. Mais pour moi, c'est un des chanteurs métal les plus flamboyants. Nous avions Bloodbath auparavant et Hate Rising s'est tiré de Fathomless Mastery, qui est paru en 2008 sur Peaceville Recording, et c'était le dernier album à lequel Mike Akerfeld collaborait, parce que maintenant c'est le chanteur de, dont j'oublie le nom, de Sam, te rappelles-tu toi? Paradise Lost, voilà, Old Nick de Paradise Lost, c'est ça. Je parlais pas tout seul. Non, Sam de Matière Noire est arrivé. Alex devrait suivre bientôt. Donc, on va se quitter avec une dernière pièce qui est tirée du dernier album auquel Rob Dukes aura participé, bien sûr. Je parle d'Exodus. Et c'est pas ce qu'on souhaite, hein, parce qu'on aime les productions de cet endroit-là. Mais je parle d'Hollywood. Mais eux, ils chantaient Burn, Hollywood, Burn. On se retrouve la semaine prochaine. C'est la dernière la semaine prochaine de 2015. Et d'ici là, allez tous vous faire foutre. Go!